Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. Ben, hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc. Tim Tremblay qui a connu un début de saison difficile, il a été blessé. Mais là, ça va beaucoup mieux pour le motoneigiste qui participe au championnat de Isoc Racing. Avant les compétitions, puis il m'est arrivé une petite bad luck. J'ai tombé en pratique. Je me suis fait un gros coup dans la jambe avant le premier week-end. Okay. Donc, c'était le premier week-end. Deuxième week-end, je me suis fait sauter dessus. Donc, j'ai été obligé de prendre une coupe de fin de semaine off. Après ça, après les fêtes, je suis retourné à la compétition. J'ai terminé une fois sur le podium. La deuxième course a un petit peu moins bien été. Puis j'étais vraiment magané, j'avais mal partout encore de mes crashs du début de l'année, donc j'ai décidé de prendre trois semaines off pour vraiment revenir en force. Puis dans ces trois semaines-là, j'ai manqué un week-end. Okay. Puis là maintenant, ça fait quatre fins de semaine là, que je suis à la compétition, puis ça va vraiment bien. Là, je suis dans mes deux derniers nationales, j'ai fait trois podiums sur quatre. Oh. Puis la forme reprend, puis je suis vraiment sur une bonne lancée, là, ça va bien pour finir la saison. Tim Tremblay nous parle que pour le championnat, c'est quand même difficile en raison de son mauvais début de saison, mais il nous parle de la fin de la saison. Ben, c'est certain que pour nous, cette année, on avait une nouvelle motoneige. On okay. avait une belle plateforme avec un nouveau moteur. Donc, nous autres, c'était vraiment nouveau pour nous autres. Puis en plus de ça, la réglementation avait changé. Tout était stock. Tu n'as plus le droit de rien modifier. Qu'est-ce qui est de le frame ou le moteur ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment du fine-tuning. Fait que pour nous autres, ça a vraiment commencé un petit peu difficilement avec la nouvelle machine parce que ça faisait 10 ans qu'on avait l'ancienne. Okay. Puis l'équipe a été vraiment améliorée course par course. Puis là, je te dirais qu'on s'améliore puis qu'on est meilleur que qu'est-ce qu'on était au début de l'année. Mais l'année prochaine, ça devrait être encore mieux. On travaille déjà pour la motoneige de l'année prochaine. Et en terminant, Tim Tremblay nous parle qu'il va courir en motocross, mais beaucoup moins, il veut se consacrer à sa famille au cours de la prochaine été. C'est ça, pour la fin de saison, c'est vraiment de donner ce que j'ai, puis essayer de finir sur le podium le plus possible. Puis là, il nous reste, on a un week-end off en fin de semaine, puis deux fins de semaine back-to-back. Okay. Donc, la saison achève, puis je suis vraiment motivé. J'aimerais ça bien faire pour les deux dernières courses. Et, on va parler maintenant d'hier dans la section entrevue de danradiosport.com. On a parlé avec le président de la commission des sports à Ville-Saguenay, Michel Tifaut. Même s'il y a de fortes rumeurs qu'il y aura un nouvel amphithéâtre pour remplacer le centre Georges Vézina, Michel Tifaut hier a mentionné que c'est encore possible qu'on y va du côté de la rénovation. Trop rapide. Madame la mairesse s'est prononcée, mais il y a 15 autres personnes à l'entour de la table qui ont le droit de parole. Alors, tu sais, faut pas aller tout de suite, faut pas sauter aux conclusions. C'est pas confirmé encore qu'on fait un centre Georges-Vézina 9. Ouais. Tu sais, allons-y prudemment. Ça implique beaucoup d'argent. T'sais, nous autres, on est là pour gérer une ville, pour administrer une ville. Tu sais, c'est des gros. Ben, oui, il y a des subventions. Oui, il y a plein de choses qu'on comprend. Mais tu sais, là, on a décidé de réouvrir, on investit 100 000 $ pour le réparer temporairement, mais là, c'est pas des 100 000, c'est des millions qui vont exploser tantôt, là, quand on va prendre les prochaines décisions. Alors, il faut prendre les... Et hier, c'était le début du tournoi de Saint-Ambroise de hockey, c'est un gros tournoi de novices jusqu'à catégorie junior. Donc, on vous parle maintenant de l'atome A. Les Prédateurs de Jonquière ont perdu 4-2 contre les Patriotes de Saint-Bruno. Victoire des Monarques de Saint-Ambroise 3-1 sur l'extrême de Chicoutimi. En catégorie Piouilla, victoire d'extrême de Chicoutimi 4-3 sur les Monarques de Saint-Ambroise. Donc, c'était les matchs qu'il y avait hier à Saint-Ambroise dans ce gros tournoi. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec le président de la commission des sports à Ville-Saguenay, Michel Tifaut. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc vient nous parler également de sa saison sur le circuit Isoc Racing. Le sport local et régional à danradiosport.com. La référence du sport, on s'en occupe.